terre des gosses, au-delà du Loch Ness. Les vieux comme les gosses n'ont pas peur de l'ivresse. Ils sont enfants du vent et de la pluie. Ils n'ont peur.